scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Les voici donc, les événements de mai-juin 68. Plus précisément, non, les événements de mai 68, pas juin. S'ils semblent avoir surpris, ils n'ont pas surgi pour autant du néant. Pour mieux prolonger cette immersion dans les années 60, nous vous proposons de suivre une série en 7 volets, diffusée pour la première fois sur France Culture en 1988, 20 ans après les faits, Chronique de mai. Nanterre. Mai, Paris, mai, Paris. Chronique de mai. Mai, Paris. Une série de Dominique Chagnolot, réalisée par Jean-Jacques Vierne. Mai, Paris. Première émission, Nanterre, avec Henrietta Seo et Jacques Tarnero du mouvement du 22 mars, Jacques Rémy, étudiant à la Sorbonne, Jacques Sauvageau, UNEF, Romain Goupil, des comités d'action lycéens, René Raymond, professeur à Nanterre, Alain Crivine, jeunesse communiste révolutionnaire, Roger Olindre et Roland Castro, union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, et les voix de Charles de Gaulle, Daniel Cohn-Bendit, Alain Perfit, le doyen Grappin, David Rousset et René Raymond. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes. Et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés l'année prochaine. Daniel Cohn-Bendit. Personne n'arrivait à sentir l'émotion sous-jacente, le besoin d'émotion qui existait dans la société française. C'était une société fermée, une société de plomb, et tout d'un coup, ça explose et on ressent des tas de choses. Bon, ces choses s'expriment, balbutient pendant 2 mois. En fait, qu'est-ce qu'on dit ? On dit on a envie de parler. Beaucoup plus, on dit pas, de toutes les manières, on a envie de vivre. 68, si je résumais, moi, c'est, ça se passe dans un café. Roland Castro. Rue de la Fédération, où il y a un Auvergnat gentil, enfin, au sens français, blanc, normal, dirait Coluche, et son garçon de café, quoi. Et ben, en 68, il s'est pas passé grand-chose dans ce café, sauf qu'on s'est mis à causer comme partout. Puis le garçon de café s'est laissé pousser les cheveux. Puis le patron n'a pas fait attention. Pendant... Puis le 15 juin, il a dit, mais enfin, Gilbert, vos cheveux. Qui, ben 68, peut intéresser aujourd'hui. Mmh. Effectivement, la droite comme épouvantail, parce que l'image principale qu'on a donnée de mai 68, c'est celle, disons, des manifestations violentes, avec les voitures qui étaient brûlées. Jacques Sauvageau. Bon, comme c'est jamais un spectacle qui enthousiasme les gens, qui est porteur d'espoir, donc ça servait plutôt de repoussoir. Et je crois que la gauche que nous connaissons aujourd'hui, elle a peu vécu, 68. Il ne faut pas oublier que le Parti Socialiste qu'on connaît aujourd'hui a été fait bien après. Qu'à ce moment-là, c'était la FGDS, qu'en 69, il y a eu la candidature de Fer, qui a fait le nombre de voix qu'on sait. Donc une gauche qui était pratiquement inexistante à ce moment-là. Et qui se réfère à mai 68, un peu comme, disons, un mythe porteur d'espoir de changement, mais dans lequel il faut pas regarder de trop près, parce que toute une série d'interrogations qui étaient posées à ce moment-là, elle savait pas, elle, comment y répondre, elle le sait peut-être toujours pas aujourd'hui. Du coup, je crois que ceux qui se sont les plus intéressés dans ces dernières années à 68, j'ai tendance à dire, c'est plutôt le courant néo-trotskiste qui, par opportunisme, a suivi, collé, au mouvement de 68, et qui, comme il a en 68 cherché à réécrire l'histoire, a peut-être aujourd'hui aussi envie de continuer à réécrire l'histoire, une histoire dans laquelle il trouve une place, une légitimation. Et moi, je crois que ça donne une vision très déformée de 68. Il ne faut pas regarder 68 avec les lunettes d'aujourd'hui, même si avec les lunettes d'aujourd'hui, on peut interpréter tout ce qui s'est passé après 68. Alain Krivine. Mais je crois que ça, c'est une espèce de déformation volontaire pour des raisons de politique conjoncturelle et d'évolution des protagonistes qui risque d'aboutir à une remise en cause, à mon sens, de ce qu'était réellement le fondement de 68. Mai 68 ne commence pas le 1er mai. En mars 1967, grève dure à la Rodiaceta, en particulier à Besançon. En avril, premier trouble dans les cités universitaires. En octobre, mise en application de la réforme Fouché. En novembre, grève des étudiants à Nantes. En décembre, agitation universitaire à Paris et à Nantes. En janvier 1968, bagarre à Nanterre, le 22 mars, occupation de la tour de cette faculté. Le 28, cette université est fermée. Le 11 avril, attentat contre Rudi Dutschke à Berlin. Le 22 avril, mise à sac du comité Vietnam national par Occident. Le 29, mise à sac de l'exposition du front de soutien au Vietnam du Sud par des groupes gauchistes. 2 mai, suspension des cours à Nanterre. Et je crois qu'il faut d'abord resituer le caractère original de la faculté de Nanterre. Henriette Asséo. Elle était née paradoxalement de la volonté d'une équipe d'enseignants de rompre avec les traditions de la Sorbonne, avec un enseignement qui jugeait par trop archaïque. Donc elle était née d'une volonté de modernisme. Et en fait, tous ceux qui étaient partis à Nanterre, sous la direction d'ailleurs de René Raymond et du doyen Grappin, pensaient faire une expérience pédagogique tout à fait neuve. René Raymond. La décision a dû être prise au début des années 60 par les pouvoirs publics de décentraliser la Sorbonne qui étouffait dans ses murs, la Sorbonne Science, ont obtenu le dédoublement avec la création d'Orsay. Et Nanterre a été la seconde création de la Sorbonne. Le lieu, au fond, n'a pas été choisi dans la difficulté financière. Les pouvoirs publics ont jeté leur dévolu sur un terrain qui était relativement disponible, qui appartenait à la Défense. Il y avait là un établissement de l'aéronautique militaire que l'armée s'apprêtait à évacuer. et qui dispensait donc le gouvernement d'acquérir des terrains pour y implanter une faculté. Il y avait au fond, tout autour, des terrains vagues dans lesquels avaient proliféré des bidonvilles. Il faut repréciser le décor. On avait le bidonville sous nos fenêtres. Jacques Carnero. Et d'une certaine manière, et un peu folle d'ailleurs, on allait, à l'époque, je me souviens que ça pouvait faire partie d'une sortie, aller manger des brochettes au bidonville. Mais peut-être par nostalgie, complètement... ça n'était pas une reproduction du décor d'Afrique du Nord, mais on allait manger des brochettes au bidonville et on allait manger des couscous dans les restaurants arabes du coin, parce que c'était les seuls endroits, entre autres, un peu chaleureux, où on avait fait une collecte des copains, totalement non organisée, pour les mômes du bidonville, les mômes arabes du bidonville, pour leur acheter des jouets. Et je me souviens très bien de l'époque où les gens qui étaient très politisés, trotskistes, Mao, anarchistes, libertaires, tout ça, non, que c'était un acte de charité, merdeux, minable, lamentable, et que cette collecte devait être méprisée, que c'était pas comme cela qu'on devait travailler ou aider les gens qui étaient dans le bidonville. Et en désespoir de cause, on a donné cette somme d'argent, qui était assez importante, mais ceci dit, la collecte avait pu quand même être le produit d'une collaboration miracle, UNEF-FNEF. Je ne cherche pas à être consensuel là-dedans, mais à ce moment-là, il y a eu ça. Et on a donné l'argent au Secours catholique. Et puis c'est la seule et unique action non politique et non violente, mais ça nous apparaissait comme une évidence qui devait être cette collecte pour les enfants de bidonville. Les étudiants qui arrivaient à Nanterre, eux, se considéraient comme exilés. Il y avait un contraste tout à fait étonnant entre les perspectives du corps professoral, une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas à la Sorbonne ou dans les anciennes facultés de droit de Parisienne, par exemple, et en même temps, le sentiment qu'avaient les étudiants de se trouver dans une sous-faculté par rapport à la Sorbonne elle-même. Alors ça tenait au site lui-même. En fait, on arrive à Nanterre parce qu'on était sectorisé. On appartenait donc à des quartiers très spécifiques. Les étudiants étaient affectés d'office ou au quartier latin ou à Nanterre en fonction de leur domicile. Et tout naturellement, on avait assigné pour la faculté de Nanterre les arrondissements parisiens les plus proches, c'est-à-dire le 8e, le 9e, le 16e et le 17e dans l'ensemble de beaux quartiers. Et puis un certain nombre de communes de la banlieue ouest, c'était le début de la naissance du département des Hauts-de-Seine. Il y avait donc Neuilly, Boulogne, le Vésinet, le Pec. Ils ont découvert brusquement la misère du monde, si je puis dire. Ayant vécu dans l'ensemble une enfance préservée, une adolescence, ils ne le soupçonnaient pas. Et brusquement, ils découvrent, le contraste est saisissant et a certainement suscité des vocations révolutionnaires. C'est dans une atmosphère littéralement de sérail, à ce que décrit bien Robert Merle dans Derrière la vitre, c'est-à-dire une atmosphère complètement confinée, où la vie quotidienne se passait du jour où on débarquait du train dans la gare de Nanterre dit La Folie, jusqu'au soir, se passait en circuit fermé. Il fallait patauger dans la boue, les liaisons étaient mal assurées. Il y avait un train qui partait de la gare Saint-Lazare et qui s'arrêtait à une petite station qui n'avait pas encore été transformée, modernisée, rien à voir avec l'actuelle station du RER, Nanterre Université, qui est moderne. Une petite station débarquée, il y avait là une petite gare en bois, un baraquement. Nanterre La Folie, ça s'appelait encore La Folie, avec en sous-titre « Complexe universitaire ». Il y avait deux bâtiments, un bâtiment qui était destiné aux garçons et un bâtiment destiné aux filles. Alors, les relations entre garçons et filles étaient fondamentales, dans la mesure où les lycées n'étaient pas mixtes à l'époque. Et donc, quand on arrivait à l'université, c'était le seul moment où, enfin, hormis la vie active, on avait des contacts entre nous. Et alors, les filles avaient le droit d'aller dans les chambres des garçons et les garçons n'avaient pas le droit d'aller dans les chambres des filles. La toile de fond, c'est d'abord des problèmes universitaires qui sont importants. À ce moment-là, depuis des années, qui sont un peu les mêmes problèmes, mais dans un contexte complètement différent que ceux qui se sont posés il y a 2 ans. C'est le problème de la sélection, c'est le problème de la formation professionnelle, c'est le problème d'une université qui est en pleine transformation. Et qui fait que depuis les années 64, mais surtout 65, 66, 67, on a toujours eu justement des manifestations avec périodiquement des plans qui ressortaient tendant à une sélection dans l'université, tendant à l'instauration de cycles courts. Et disons ça qui est, disons, un peu la toile de fond universitaire du mouvement étudiant. Pierre-André Taguieff. Il y avait quelques prostitues, comme on l'a dit de façon polémique par la suite, entre 65 et 66, mais rien de plus. La brochure de la misère en milieu étudiant a été publiée, republiée plus exactement en 67 et diffusée à Nanterre par le groupe de Noirs et Rouges, qui était un groupe anarchisant, un groupe libertaire, assez polémique vis-à-vis de la Fédération anarchiste, où l'on trouvait notamment Jean-Pierre Duteuil, Danny Cohn-Bendit, etc. Mais disons le titre complet de la misère en milieu étudiant, considéré sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels, et notamment intellectuels, et de quelques moyens pour y remédier. Voilà, par des membres de l'Internationale situationniste et étudiants de Strasbourg. Alors cette brochure a été connue, donc a pénétré, si vous voulez, les milieux nantérois au début de 67, et elle a fait scandale. En fait, les gens de Noir et Rouge ne la reprenaient pas intégralement à leur compte. Ils la distribuaient, disons, de façon un peu provocatrice. Ils pensaient que c'était ahurissant, que cette critique radicale de toutes les productions culturelles modernes et de toutes les représentations politiques ordinaires, débats politiques compris, débats théoriques compris, Althusser, Lefebvre, etc., était excessif. Disons, d'emblée, si vous voulez, les situationnistes sont apparus comme des utopistes provocateurs. Dans le mouvement étudiant, il y a aussi un deuxième aspect, qui est l'aspect conditions de vie des étudiants, alors qui a joué un rôle très important. Parce que, disons, c'est un peu lui qui est le détonateur, en fait, du mouvement. Quand on parle justement de l'occupation de Nanterre, l'occupation de Nanterre intervient à la suite d'un mouvement dans les cités universitaires où se posait non pas la question, on nous avait posé non pas la question de la mixité, à ce moment-là, on n'aurait jamais osé poser la question de la mixité dans les cités universitaires, mais des possibilités pour les garçons de rendre visite aux filles dans leur chambre ou pour les filles de rendre visite aux garçons dans leur chambre. C'était, disons, parmi d'autres, revendications sur les conditions de vie des étudiants, les problèmes de bourse ou d'allocation d'études, un des thèmes de la campagne que l'UNEF avait lancé en février et qui, à notre surprise, avait marché très fort. Donc ça, si vous voulez, c'est le deuxième facteur, le changement dans les conditions de vie et qui allait, disons, exprimer un changement de, disons, ce qu'on dirait aujourd'hui, de conditions de vie sociale, un changement de société. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I need to make you see. Oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping. Tout le monde, tout ce milieu étudiant était héritier des grandes batailles qui avaient eu lieu dans l'UNEF à deux niveaux. D'abord, en ce qui concerne la guerre d'Algérie, et qui avait fortement marqué le mouvement étudiant. Donc, il y avait cet héritage des grands frères qui avaient fait les grandes batailles de la guerre d'Algérie, mais qui finalement étaient passés à la vie active, n'étaient plus étudiants. Et puis, le deuxième aspect, c'était l'attitude à l'égard des réformes universitaires en cours. Alors, les enjeux des années 65-68 tournaient autour de ce qu'on appelait la réforme Fouché. Elle portait sur ce qu'on appellerait classiquement maintenant la sélection. Alors, à y regarder de près, cette sélection était assez mineure. Mais elle était jugée intolérable par tous les étudiants de l'époque. Elle tenait au fait que la démocratisation de l'enseignement supérieur avait conduit un fort contingent de bacheliers à accéder aux études supérieures. Et qu'en conséquence, on craignait qu'on exige d'eux un résultat au terme de leurs études. Alors que ceux-ci s'inscrivaient à l'université, non pas en vue d'un métier ou d'un résultat, mais en vue d'un état temporaire d'étudiant. Car à l'époque, le problème du chômage ne se posait pas dans les termes dans lesquels il se pose maintenant. Et donc, les perspectives de formation n'étaient pas du tout envisagées comme maintenant. Alors, du coup, mettre en cause cet état temporaire d'étudiant qui était extrêmement valorisé à l'époque, ça nous paraissait intolérable. Et donc, le contenu de ségrégation relative de la réforme Fouché était surestimé par le simple fait qu'on craignait que ça menace chacun de ceux qui se trouvaient sur place. Long time ago, where have all the flowers? Et puis, un troisième facteur qui est extrêmement important, c'est le facteur international, qui joue un rôle très important dans la mesure où le grand moment d'un côté de la guerre du Vietnam, et disons, d'un autre côté de tous les mouvements en Amérique latine, bon, en particulier alors la question qui s'est trouvée posée de la tricontinentale, et disons un mouvement fortement marqué par les mouvements de libération nationale dans le monde. Dans le mouvement étudiant, ça jouait toujours un rôle très important, cet aspect-là. L'UNEF s'est constituée sur la guerre d'Algérie, enfin contre la guerre d'Algérie. Après la guerre d'Algérie, c'est justement le mouvement de libération des pays du tiers-monde qui a pris, disons, un peu le relais. Les comités Vietnam de base étaient l'instrument qui permettait ensuite de rassembler des étudiants sur un thème plus large que celui de la sélection à l'entrée de l'université et qui permettait à ce moment-là un rassemblement de ces étudiants sur une base à la fois anti-UEC, Union des étudiants communistes, et en même temps, comme on disait à l'époque, révolutionnaire. Long time passing, where have all the soldiers gone? Long time ago, where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Long time passing, where have all the graveyards gone? Long time ago, where have all the graveyards? Beaucoup des militants, de ceux qui vont devenir les militants de mai, Jacques Rémy, sont devenus militants sur les problèmes Vietnam. Dans les quartiers, c'est un des moyens de recruter des jeunes. Justement, c'est pour ça que les CVB fonctionnent si bien. Et le CVN a aussi, lui, organise des grandes manifestations aussi, tout ça. Bon, et c'est un moyen de mobilisation parce que la guerre du Vietnam est insupportable. Elle est insupportable aux Américains, aux jeunes Américains, on connaît. Bon, elle est insupportable aux Allemands qui font les opérations, y compris en faisant sauter un ordinateur qui dirige les bombardements américains. Elle est insupportable en France. Hein. Il y a eu l'offensive du Tet, c'est-à-dire du Nouvel An vietnamien, fin février, qui s'est déclenché, qui a déclenché également l'enthousiasme chez nous, en France. Elle s'est soldée quand même par des combats très durs, très âpres. L'ambassade américaine à Saigon a failli être prise, etc. Bon, je crois qu'il faut replacer tout ça. Romain Goupil. Sur les origines des comités d'action lycéens, là, je suis directement concerné parce que les dates, c'est à l'occasion de meetings et de distribution de tracts qui a eu lieu au lycée Condorcet, comme dans une série d'autres lycées, d'une mobilisation qui devait se faire contre les ordonnances. Donc ça devait être au mois de décembre 67. Buffon, Charlemagne, Carnot, qui étaient déjà des centres très très précis des militants liés au comité Vietnam nationaux et au comité Vietnam de base. Sont partis des discussions avec différents groupes, notamment les jeunesses ouvrières catholiques, la JEUC, la GEC, les protestants, les membres des comités Vietnam lycéens et d'autres groupes qui existaient dans les lycées autour de la mobilisation contre la guerre du Vietnam. Et de là sont nés les comités d'action lycéens qui étaient la réunion au niveau direction de l'ensemble de ces groupes et de ces tendances. Dans ce qui arrive en mai, il faut bien voir que le Vietnam est un des éléments fondamentaux. Deuxième aspect, c'est que la lutte antifasciste est une constante aussi du combat du quartier latin depuis la fin de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire la guerre d'Algérie ne s'est jamais totalement achevée en quelque sorte. On n'a jamais réglé complètement les comptes de la guerre d'Algérie, ni d'un côté ni de l'autre. Et il y a une forte mobilisation qui s'est faite du côté d'Occident en permanence depuis Occident ou divers autres groupes. Et en face, nous, on a également lutter sans arrêt pour le contrôle des facultés, pour le contrôle de la rue. Le seul souvenir sérieux que j'ai de Nanterre, c'est quand l'Occident m'avait invité à aller parler là-bas. Roger Olindre. Je pouvais y aller et nous ne sommes pas rentrés parce qu'il y avait eu un tel tohu-bohu, de telles bagarres à l'intérieur que les flics étaient présents avant nous. Oui, il y avait la Madeleine, par exemple. Où il y avait, oui, mais ça, c'est certain. Il y avait les gens d'Occident, il y avait le libéral à la Madeleine. Crème de libéral aujourd'hui. Ben, M. Longuet, peut-être un peu moins. M. Longuet était toujours un peu en arrière, était plus énarque que ses amis, tous aussi excessifs, puisque aujourd'hui, ils sont ministres de M. Chirac, amis de M. Léotard. Tout ça, c'est de la crème de libéraux, de l'extrait de libéralisme à ce moment-là. Ils trouvaient que ce n'était pas assez anti-arabe, pas assez anti-juif. Enfin, c'était des petits nazillons qui nous ont emmerdés pendant 15 ans dans tous les mouvements de droite où j'étais. Aujourd'hui, c'est de la crème de libéral, tant mieux pour eux. Moi, je dois être un imbécile puisque moi, je n'ai jamais changé d'idée. Et il paraît qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. C'est à Nanterre que j'ai vu, depuis la guerre d'Algérie, puisque j'ai vécu en Algérie, Jacques Tarnero, des scènes de violence totalement surprenantes. Je croyais que ça n'existait pas dans ce pays civilisé. Et la première fois que j'ai vu une bagarre à Nanterre, ça m'est apparu tellement surprenant que je croyais qu'on tournait un film. Et j'ai compris qu'on ne tournait pas un film, mais que c'était vraiment... Quand un type a reçu une cruche d'eau sur la tête et qu'il s'est mis à pisser le sang. Et c'était un groupe de gens, au crâne rasé, en impervers, qui distribuaient entre autres des tracts « La victoire est au bout de nos lances ». Et je crois que ça se voulait être une citation de Jeanne d'Arc, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'autre scène dont j'ai été témoin, c'était avec des copains au restaurant universitaire de Sancier. Il y avait un étudiant juif religieux qui montait déjeuner. Il avait une kippa sur la tête. Et des types lui ont dit « Tiens, voilà la tribu d'Israël qui vient bouffer ». Et je me souviens très bien de la réaction qu'on a eue quand on a entendu ça. Il y a eu une bagarre générale contre les types qui avaient proféré l'insulte. Et cette année-là, de 66-67, ont été des années d'extrême violence, de bagarre. Et je me suis donc immédiatement solidarisé avec ceux qui étaient contre les fascistes ou les racistes ou les... Bon, voilà. Mon engagement premier n'allait pas plus loin que ça. Il était essentiellement contre ces types qui me révulsaient. Le premier événement... qui avait retenu notre attention. René Raymond. Et dans lequel il est possible rétrospectivement de voir en quelque sorte un signe précurseur et annonciateur. C'est une grève qui a éclaté dans la dernière décade de novembre, donc pas très longtemps après la rentrée, deux ou trois semaines seulement après la rentrée, qui a dû durer une dizaine de jours et qui a été une grève dure. Je me rappelle encore avoir entendu le doyen Grappin après avoir parlé... s'est entretenu avec les meneurs, dire qu'il n'avait jamais vu de mouvement analogue, qu'il avait le sentiment d'être en présence d'une race de meneurs beaucoup plus durs et beaucoup plus radicaux que ceux auxquels on avait pu avoir affaire dans les 10 ou 20 années précédentes à la Sorbonne ou les vallées de province. Et de fait, se levait une génération de meneurs. Alors il y a eu ensuite, et je crois bien que c'est en janvier, il y a dû avoir au moins deux incidents. L'un auquel la presse de l'époque a fait largement écho, c'était à l'occasion de l'inauguration de la piscine de dimension olympique et que le ministre de l'époque de la jeunesse et des sports, François Missoff, était venu inaugurer. Et Danny Cohn-Bendit, pratiquant systématiquement la provocation verbale, qui l'a entraîné donc finalement au-delà probablement de ce qu'il imaginait à l'époque et en deçà de ce qu'il espère aujourd'hui, Henriette Asséo a dit à Missoff, « Ah, vous voulez que nous fassions du sport, mais laissez-nous plutôt avoir des relations amoureuses. Ça entretiendra beaucoup mieux notre activité psychique, notre équilibre psychique et intellectuel. » Il avait le Reich, bien entendu. Et il s'est rétracté ensuite de cette phrase dans une lettre, ce dont il ne s'est pas vanté auprès de ses camarades, dans lequel il s'excusait des termes qu'il avait employés, mais pas du fond de son analyse. Mais il y avait eu, je pense que c'est également en janvier, un autre incident probablement beaucoup plus grave, mais un groupe d'étudiants s'était livré à l'intérieur de la faculté, c'était encore une faculté à l'époque, un certain nombre de déprédations et notamment avait saccagé une partie du mobilier que le doyen avait fait installer dans les grands couloirs pour les animer un peu, et en particulier des bancs. Et que le doyen avait donc fait appel pour rétablir l'ordre à la police municipale de Nanterre, et était arrivé une dizaine de policiers âgés, pas du tout expérimentés au combat de rue, et qui avaient été accueillis par des pierres, et qui avaient dû battre en retraite. Pour la première fois, c'était la violence. Ça n'était donc plus seulement la revendication ou la dérision avec Cohn-Bendit, mais la violence. C'est-à-dire qu'on trouvait trois des éléments qui vont être constitutifs du mouvement de mai 68. Qu'il y avait des bagarres de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes, avec blessés et tout. Alors on a les choses s'organisaient avec un encadrement qui était plus ou moins politique de la part de ceux qui étaient des vieux routiers de la bagarre antifasciste. C'est la première fois d'ailleurs où j'ai entendu prononcer le nom de Pierre Goldman. Mais qui était dépeint par ceux qui étaient ses anciens compagnons comme un type aventuriste, pas net. Les gens qui organisaient le service d'ordre à l'époque, et Jacques Rémy, mais qui venait de la Sorbonne, Roland Gegenbach, qui s'est suicidé, un autre qui s'appelait Momo, et qui s'entraînait très régulièrement au karaté. Alors on s'entraînait, nous aussi, au karaté, à côté d'église d'Auteuil. Pendant une année, j'ai dû faire du karaté avec les copains. Ce qui fait qu'il y avait donc tout cet aspect entraînement de groupe, la fac devenait un objet totalement secondaire, le travail universitaire, d'ailleurs, je crois. Personne n'a jamais rien foutu. Et le travail politique au sens beaucoup plus activiste des choses, bagarre contre les fachos, était ce qui prenait le pas. Et il y a eu comme ça des bagarres qui sont devenues de plus en plus importantes comme mobilisation de gens. La place du mouvement du 22 mars est fondamentale dans la genèse des choses, puisqu'il est l'élément moteur de tout ça. Et il y a une très grande, pour toutes les raisons que j'ai indiquées précédemment, les bagarres, il y a une très grande cohérence des gens qui viennent de Nanterre. Il y a quelque chose de quasi... Il y a une très grande camaraderie entre les gens. Les gens se connaissent bien, rigolent ensemble. Nanterre est un isolat géographique par rapport à Paris. Les gens ont beaucoup fonctionné ensemble et pas du tout dans l'anonymat. Il y a une camaraderie très grande, très forte. Le mouvement du 22 mars est né dans la cité universitaire. La plupart de ceux qui y participaient occupaient des chambres à la cité. Alors, le point de jonction des gens du 22 mars, c'est vraiment une identité familiale et sociale tout à fait particulière. C'est un milieu particulier. Il y avait d'autres d'entre nous, du 22 mars aussi, qui étaient par exemple des enfants d'émigrés espagnols. Le père avait appelé son fils Élisée, en souvenir d'Élisée reclus. Et Lydia, sa fille, en souvenir d'on ne sait quel révolutionnaire abattu à la fin du 19e siècle. Ce milieu vivait dans une référence à l'histoire permanente. Et alors, il se disait hostile au Parti communiste qui jugeait réformiste, hostile aux trotskistes qui jugeait sectaire, hostile aux catholiques sociaux, socialistes, et profondément anarchiste. Beaucoup étaient venus de l'ancienne fédération anarchiste, de la FER, où à titre individuel, ils avaient participé. Et ils avaient des références qui étaient essentiellement les conseils ouvriers de Turin en 1920, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, parce que ce n'était pas à l'école que j'avais appris ça, la révolte de Marno en Russie, ça aussi c'était la première fois, et le troisième élément, c'était les anarchistes de la guerre d'Espagne. Donc, il y avait constamment un récit, une référence, on travaillait les textes à partir de ces références historiques, mais qui demeuraient en fait finalement paradoxalement très limitées. Alors le 22 mars, c'est une assemblée de gens qui se retrouvaient sur ces thèmes-là. Une identité anarchiste individuelle et la volonté de se démarquer des autres groupements constitués. La masse des étudiants, au fond, elle est en suspension et elle reste dans l'ensemble assez, à l'égard des enseignants, plutôt déférente et reconnaissante, mais par ailleurs elle est séduite, elle est tentée par l'agitation. Et le 22 mars, alors, est une date plus symbolique qu'effective. Ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, en fin d'après-midi, une centaine environ d'étudiants qui d'ailleurs sont nantais pour la plupart, qui appartiennent à différentes chapelles idéologiques. Il y a à la fois des anarchistes un peu, des maoïstes, des trotskistes, décident de faire un coup, c'est cela. Hein. Ils décident, d'ailleurs c'est pas un exploit à proprement parler, ils décident de monter jusqu'au 8e étage où il y a la salle où se réunit régulièrement le conseil de la faculté et l'assemblée des enseignants, de s'y installer et de l'occuper. C'est l'idée de la grève, enfin il n'y a pas grève, avec occupation. C'est un vendredi soir, la faculté d'ailleurs est à peu près déserte. Y a donc pas, on ne peut pas dire que ce soit une opération de vie force. Ils s'y installent, et ils informent l'AFP, ils y passent plusieurs heures, et d'ailleurs ils plient bagages dans la soirée ou en milieu de nuit. Mais ils ont créé, c'est le mouvement du 22 mars, qui va être désormais être une référence. C'est un acte, et plusieurs années... après encore, il y avait une inscription sur les murs, je ne sais plus à quel étage, où ils commémoraient cet exploit extraordinaire qui avait consisté à monter jusqu'au 8e et à s'installer dans la salle du conseil. Ça, dans l'imaginaire contestataire de 68, ça va prendre une dimension mythique. Le 22 mars ne se posait pas comme un mouvement constitué. Il se posait comme une action d'infiltration ou d'orientation des autres mouvements constitués. Il y avait un investissement du discours théorique qui naissait littéralement de l'admiration à l'égard de grandes figures mythiques. La révolution russe, alors les enjeux du bolchevisme. Le problème du stalinisme n'était jamais posé directement. C'était les enjeux du léninisme qui étaient posés, pas ceux du stalinisme. On parlait peu des camps. Seuls les anarchistes, je crois que c'est un point de rupture avec les autres groupes, mentionnaient la condamnation du stalinisme directement. Et la guerre d'Espagne, probablement essentiellement des souvenirs parentaux. Moi, je n'ai pas connu de gens qui aient adhéré, qui aient été au pogrom du mouvement de mai, qui n'aient pas eu une histoire familiale particulière. Et le problème de la référence à la résistance en France, pour ceux qui n'étaient pas juifs, exilés, républicains espagnols ou que sais-je, qui constituent les trois quarts des gens qui se trouvaient concentrés à Nanterre pour de simples faits géographiques. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Llegué por. Je crois qu'une des premières choses à laquelle on était sensible par rapport à Guevara, c'était la beauté de l'image de cet homme, la beauté romantique, le béret, le cigare, et il est plus perçu, je pense, par la majorité, comme un révolutionnaire romantique, mais au sens de la beauté de la chose, que comme un théoricien de quelque chose. On investissait Guevara comme on investissait Régis Debray dans sa prison en Bolivie, alors qu'on travaillait peu sur les problèmes franco-français. Alors, les références à Cuba jouaient beaucoup aussi, mais il y avait deux catégories de gens pour Cuba. Il y avait ceux qui avaient été voir et ceux qui n'y avaient jamais été. Et effectivement, une partie des militants d'avant mai 68, mais alors ces références à Cuba étaient communes, avaient été faire le voyage de Cuba l'été pour participer à des colonies de vacances éducatives. Cuba était très œcuménique. C'est-à-dire que ce n'était pas un point de clivage entre les différents groupements. Je suis un militant, et tout militant du mouvement du 22 mars est responsable pour le mouvement, donc je suis un responsable du mouvement. Et je crois qu'effectivement, ce qu'il faut dissiper, c'est la notion de leader. Le mouvement de Nivelle de Mars, justement, refuse tout leadership, quoiqu'il est conscient qu'il est, à certains moments, des porte-paroles qui se mettent plus en évidence que d'autres. Mais tout ça change. Il est évident que maintenant, ce seront d'autres qui prendront la relève. Ce qu'il faut, c'est les bases de la contestation, c'est-à-dire, en fait, une analyse radicale de la société capitaliste dans laquelle nous vivons et une contestation radicale. À partir de cette contestation, l'on pourra, dans un deuxième stade, développer une stratégie politique, une stratégie en liaison effectivement avec la classe ouvrière, car ce n'est qu'avec la classe ouvrière que le mouvement étudiant pourra faire quelque chose, tout en sachant d'un autre côté qu'il faut qu'il ait une légitimation de pouvoir, c'est-à-dire une légitimation d'action à l'intérieur de l'université. Le rôle de Dany est essentiel, parce que c'est lui qui a introduit, dans un milieu qui ne connaissait absolument rien, les références à la philosophie, à Benjamin, à Adorno et à Marcuse. L'idée d'un discours critique, c'est la production personnelle de Dany, et c'est pour ça que le mouvement du 22 mars a une fonction essentielle. La première manifestation concrète de l'action de Dany a consisté à contester verbalement un cours d'Alain Touraine, qui était un professeur qui, à l'époque, avait la réputation, il a changé 10 fois de position depuis, mais avait la réputation de faire partie de l'establishment, un peu progressiste, d'accord, sur le plan des sentiments ou de son engagement politique, mais de l'establishment universitaire de l'époque. Mars, doyen Grappin. Durant ces dernières semaines, les incidents répétés et très violents dans des salles de cours, d'examen, dans les locaux administratifs, ont été provoqués par l'action de petits groupes d'individus qui tendent à imposer ici leur volonté par la violence. De leur propre aveu, ils se mettent hors la loi. Leur action vise, de toute évidence, à paralyser et notre enseignement et le déroulement des examens. Ils se livrent à des dégradations du matériel et des bâtiments dont la réparation exigera des dépenses très élevées. Le doyen a dit qu'il suspendait les cours. Il n'a pas parlé d'interdiction, qu'on vienne discuter politiquement. Si la faculté est fermée, si elle est gardée par les CRS, nous discuterons s'il fait beau dans l'herbe, nous discuterons dans le foyer de la cité. Mais nous voulons montrer notre volonté de discuter politiquement. Nous voulons montrer qu'il ne s'agit pas pour nous d'un débat puéril et que deuxièmement, dire que c'est une minorité ne veut absolument rien dire. La minorité de malades mentaux semble contagieuse. Au début, il paraît que nous étions 30. Puis il y a eu 150 personnes qui ont occupé le bâtiment après que 400 personnes aient participé à un meeting, réunis en 2 heures. Aujourd'hui, spontanément, nous avons réuni 300 personnes, ça connaissant l'intervention du doyen, et ces 300 personnes ont voté la discussion politique. On va vers l'aggravation constante. On ferme la faculté 2 ou 3 jours, espérant ramener le calme, on la rouvre, arrivent là-dessus les vacances de Pâques, la rentrée se fait, et à partir de ce moment-là, il faut bien dire que ça devient une espèce de navire en perdition. Les meetings se multiplient, les assemblées générales, c'est là que Juquin vient et est expulsé par les gauchistes. Dans l'intervalle, les gauchistes avaient reçu la visite de quelques-uns de leurs amis d'Allemagne, notamment Rudi Dutschke, le Rouge, qui était venu. Il y a le sentiment d'une solidarité entre, il faut se rappeler, 68, il y a Berkeley aux États-Unis, il y avait eu l'année précédente l'Université libre de Berlin, il y avait en Turquie, à Tokyo, les universités italiennes, et que les Nantérois avaient le sentiment, après tout, d'entrer dans un mouvement beaucoup plus général, une espèce de soulèvement d'une génération d'étudiants dans tous les pays. Avril. Écoutez, la manifestation a débuté vers 18h45. Deux groupes de 200 à 300 manifestants environ se sont réunis sur le boulevard Saint-Michel. pour former un seul cortège. Actuellement, c'est-à-dire près de 2 heures après le début de la manifestation, leur nombre est d'environ 3 à 4 000. Vous avez justement rappelé que la manifestation était faite pour protester contre l'attentat dont ont été victimes le leader des étudiants révolutionnaires allemands, Rudi Dutschke. Mais l'UNEF n'était pas la seule organisation à appeler à manifester. Vous aviez également la jeunesse révolutionnaire, les étudiants communistes pro-chinois et les étudiants regroupés dans le comité de liaison des étudiants révolutionnaires. Jusqu'à présent, il y a eu peu d'incidents, pas d'incidents même, pourrait-on dire. Une voiture de la police a eu son pare-brise détruit. Et des manifestants viennent, il y a environ 5 minutes, de jeter des pierres dans la vitrine, dans les vitrines de la bibliothèque américaine de Benjamin Franklin. Pour l'instant, je vous le dis, les forces de l'ordre ne sont jamais intervenues. Vous l'entendez actuellement, les étudiants tiennent un meeting qui se termine à l'instant. Ils chantent d'ailleurs international. Il semble bien que ce soit la fin de la manifestation, mais selon certaines rumeurs, des étudiants qui nous l'ont dit tout à l'heure, un cortège pourrait se former et se regrouper devant l'ambassade d'Allemagne fédérale. Nous allons d'ailleurs nous diriger vers cette ambassade maintenant. Je crois qu'il y a le phénomène qui se déroule aujourd'hui en Allemagne est un phénomène qui se déroule dans la plupart des pays européens. Alain Krivine. C'est-à-dire qu'on assiste à une révolte des étudiants contre la société, contre l'État bourgeois, qui généralement a pris corps à travers la sympathie, la solidarité qu'avaient ces étudiants pour la révolution vietnamienne. Mais ce courant aujourd'hui, et je crois que dans tous les pays c'est à peu près identique, est un courant attiré par la révolution, notamment attiré par les thèses cubaines, les thèses de Che Guevara, mais qui refuse aujourd'hui de suivre les partis ouvriers traditionnels, aussi bien les partis sociodémocrates que les partis staliniens. Je crois qu'en dehors des frontières d'Allemagne de l'Ouest, le courant de radicalisation qui existe aujourd'hui dans toute cette jeunesse n'irait qu'en s'amplifiant. De façon considérable. Et déjà, je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les capitales, dans toutes les universités, l'attentat contre Rudi Dutschke a été ressenti de façon très profonde. En réalité, il s'agit d'un mouvement politique sérieux. David Roussel. Qui caractérise non pas la jeunesse dans le sens étroit du terme, mais l'avènement d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui s'est politiquement formée dans notre monde actuel, en rupture avec ce qu'étaient les structures politiques du passé, et notamment en rupture avec ce qu'a été pendant de si longues années le stalinisme. Certes, ces mouvements sont disparates. Sans doute, leur maturité politique n'est pas entièrement acquise. Et parfois, comme bien des reportages l'ont montré, ces jeunes gens s'expriment dans un langage excessivement abstrait et souvent extrêmement sectaire. En fait, ils portent les révolutions profondes de notre temps sans pour autant les avoir entièrement assimilées, comment l'auraient-ils pu, et en les traduisant souvent dans un langage politique qui appartient plus au passé qu'au présent. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'ils apparaissent comme des forces agissantes et des forces efficaces qui sont en train de modifier très profondément le rapport des forces sur l'arène politique. Le 2 mai était un jeudi et je crois depuis la veille, je crois qu'on avait ils avaient décidé de faire 2 journées anti-impérialistes. Nous retrouvons le thème anti du Vietnam, de la solidarité avec les populations du Vietnam en lutte pour son indépendance contre la sale guerre menée par les Américains. Alors 2 journées anti-impérialistes avec des meetings, peut-être des projections de films pour lesquels il s'attribuait des amphithéâtres qui, normalement, auraient dû être consacrés à l'enseignement. Il y avait aussi, et c'est un autre élément du climat, il vivait dans la psychose d'une descente en force d'un commando d'Occident. Des informations nous arrivent comme étant un projet facho d'Occident qui me ferait une mobilisation nationale pour attaquer Nanterre. Il y a donc une mobilisation, grosso modo prise en charge par l'UJCML, Robert Linhart, à l'époque, pour organiser la défense de Nanterre. Et il y a la mise au point d'un plan de défense extrêmement militarisé, avec une carte qui est dressée, et où il est question de creuser des tranchées dans lesquelles on va verser de l'essence qu'on va enflammer quand les fachos tomberont dedans, et puis de scier des poteaux télégraphiques qui casseront le cortège de voitures fascistes qui va nous attaquer. Et quand les derniers survivants des fachos arriveront enfin au centre de la fac, il n'y aura plus qu'à les ramasser à petite cuillère. Et on mobilise au maximum, et il y a donc... Les l'UJCML essayent de mobiliser, mais ils avaient dit qu'ils mobiliseraient dans les 800 personnes, et en fait, il y a très peu de monde qui est présent. Je me souviens que les Mao proposent en particulier la fabrication de catapultes pour envoyer des briques très loin. Et alors, on était parti dans les bois de Boulogne pour cueillir des branches d'arbres en Y pour faire des lance-pierres, mais les catapultes, on n'y avait pas pensé. Alors, ils nous disent qu'il suffit de prendre une table à quatre pieds, de mettre les pieds en l'air, et qu'entre les deux pieds, on va tendre une chambre à air, et la chambre à air, qui est un élastique puissant, va jeter la brique très loin. Alors, on fait l'expérience, on prend la chambre à air, on met la brique dans la chambre à air, et la brique ne fait que... elle tombe... un mètre plus loin, et on nous dit ben, c'est bizarre parce qu'à Pékin, ça a marché. Mais les chambres à air françaises étaient moins élastiques. Je me souviens qu'il y avait sur l'un des bâtiments de la faculté, peut-être le bâtiment administratif, une grande inscription, une banderole plus exactement, qu'ils avaient dû suspendre, où en substance, ils disaient que les Occidentaux trouveraient à Nanterre son tombeau comme les Américains au Vietnam. Enfin, en gros, c'était ça. Il y avait cette espèce de... Alors, on l'attendait, il y avait des guetteurs qui attendaient l'arrivée des commandos. Et comme le domaine était traversé par une espèce de tranchée, parce que pour le RER, c'était la ligne sur laquelle ils s'apprêtaient à se battre et à se défendre jusqu'au dernier pour préserver les franchises universitaires. Alors, ça, c'est le climat, si vous voulez, je plante. Alors, c'était le fait de minorités, quelques centaines. Pendant ce temps-là, des milliers d'étudiants allaient suivre, vaquer à leurs activités, travaux pratiques, travaux dirigés ou les cours. Globalement, nous n'avons pas trop d'étudiants. Alain Perfitte, 28 avril. C'est-à-dire que nous n'en avons pas assez. Mais nous en avons trop dans certains établissements, par exemple les facultés des lettres et les facultés de droit, car nous savons que dans les 5, dans les 10, dans les 15 prochaines années, l'évolution de la société ne permettra pas d'absorber autant de licenciés S-lettres et de licenciés en droit. Il n'est pas question pour nous de diminuer le nombre de nos étudiants. Je vous disais tout à l'heure que nous en avions 600 000. Il y en a 514 000 en faculté, ce qui est beaucoup trop par proportion, et 91 000 dans les instituts universitaires de technologie, les grandes écoles, les classes préparatoires grandes écoles. La proportion est mauvaise. Il y en a beaucoup trop en faculté. Mais il ne s'agit pas de passer de 600 000 à 300 000. Il s'agit de passer de 600 000 à 700 000, puis à 800 000. Mais en faisant en sorte que la répartition de ces étudiants en plus grand nombre répondent davantage aux besoins de la société et que par conséquent on ne forme pas des chômeurs intellectuels, mais des étudiants qui puissent déboucher dans la vie active avec un bagage, et pas seulement le bagage d'une culture qui serait en quelque sorte désincarnée, mais également un bagage professionnel. Alors j'avais cours moi-même, ça avait été un cours de propédeutique, le jeudi à 3 heures, et je le faisais dans un des deux grands amphithéâtres du bâtiment principal, du bâtiment B. Il y avait deux amphis de 1050 places l'un et l'autre, et j'y avais cours. Et quand j'arrive, un peu avant 3 heures, suivi d'une bonne partie de mes étudiants, j'en trouve d'ailleurs une autre partie qui attendait, qui disent on ne peut pas entrer, c'est occupé, et ils y projettent des films. Alors... Je parlemente avec le piquet qui est en disant qu'il n'est pas question, qu'ils peuvent très bien faire leur meeting, mais ailleurs, et qu'il doit y avoir priorité pour l'enseignement, et que moi, je n'accepte pas. Alors, c'est engagé une courte bagarre, parce que les étudiants qui souhaitaient avoir cours essayent d'entrer de force, de faire éruption, les autres les refoulent, une mêlée. On a raconté par la suite, j'avais reçu un banc, c'est dramatisé les faits. Il reste qu'il y a eu une petite mêlée. J'ai pas voulu que ça dégénère, j'ai ces conditions. J'ai demandé à mes étudiants, je sais pas, 150 ou 200, de renoncer à. Et je suis monté chez Grappin en disant voilà, je ne peux pas faire cours, ben je n'admets pas, je ne m'incline pas devant le fait accompli. J'élève une protestation, il faut quand même que les choses. Alors, à ce moment-là, le doyen Grappin est entré immédiatement en rapport avec le recteur, Et la décision a été prise de fermer la faculté sine die. Depuis quelque temps, le déroulement régulier des enseignements est gravement compromis du fait de l'agitation systématique de certains groupes d'étudiants qui créent ici un véritable climat d'insécurité. Aujourd'hui, par exemple, plusieurs cours n'ont pas pu avoir lieu et des incidents délibérément créés, des menaces envers des étudiants, des professeurs, des fonctionnaires de l'administration ont rendu le fonctionnement de la maison tout à fait irrégulier. Il apparaît dans ces conditions, et tout à fait évidemment, qu'on ne peut plus parler de liberté d'expression et de travail comme elles sont en usage dans les facultés. Et après accord de M. le ministre de l'Éducation nationale et du recteur de l'Académie de Paris, j'ai décidé de mettre un terme à toute cette agitation et de prendre les mesures suivantes. À partir de demain, vendredi 3 mai à 9h et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques sont suspendus à la faculté. Ils seront progressivement rétablis, discipline par discipline, suivant des dispositions qui seront ultérieurement portées à la connaissance des étudiants. À partir de ce moment-là, le rideau tombe sur Nanterre. C'est fini. C'était Chronique de mai, une série de Dominique Chagnolo. Aujourd'hui, première émission, Nanterre. Groupe de réalisation, Anna Cybert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cette émission, la première d'une série de 7, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er août 1988. Prochaine émission, de Nanterre à la Sorbonne, du 3 au 11 mai. Les années 60, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourtet, à suivre, et d'ici là à télécharger ainsi que les précédentes de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.